Et parmi les grands mérites de cette nuit, que c'est une nuit dans laquelle l'adoration est meilleure que l'adoration, la même adoration pratiquée pendant 1000 mois dans lesquels il n'y a pas Laylat al-Qadr. Donc l'adoration dans cette nuit-là, Laylat al-Qadr, est meilleure que l'adoration pratiquée pendant 1000 mois dans lesquels il n'y a pas Laylat al-Qadr, bien évidemment. Mais si quelqu'un, pendant, Allah lui permet de vivre 1000 mois, et dans chaque 12 mois, il y a Laylat al-Qadr, et Allah lui permet de profiter, de bénéficier de ses mérites et de ses bienfaits, ça, c'est des biens qui dépassent l'entendement. C'est des faveurs d'Allah, yani, qu'on a, avec notre raison, ça nous dépasse. Mais le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Subhanahu wa ta'ala. طيب, يعني, par rapport à Laylat al-Qadr, il y a eu énormément de hadiths authentiques, même qui ont atteint le degré de tawatur, qui montrent son mérite et qui montrent, yani, on va citer un seul qui concerne le mois de Ramadan. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan par foi et en attente de la récompense, Allah lui pardonne ses péchés antérieurs. Allah lui pardonne tous ses péchés passés. Et celui qui veille, man qama, celui qui veille la nuit de l'Qadr en prière, Allah, yani parfois, et en attente de la récompense, parfois, yani par conviction, en son mérite. Et il y en a qui disent parfois, imanan, en ayant un dogme authentique, ils disent le mubtadi, il ne profite pas de ce mérite. Allahu Akbar. D'où l'importance de sunna. Imanan wa ihtisaban. Ouais, en attente de la récompense, Allah lui pardonne tous ses péchés antérieurs.